Premier livre des Chroniques, chapitre 24. Et quant aux enfants d'Aaron, ce sont ici leurs départements. Les enfants d'Aaron furent Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Mais Nadab et Abihu moururent en la présence de leur père, et n'eurent point d'enfants, et Éléazar et Ithamar exercèrent la sacrificature. Or David les distribua, savoir, Sadoc, qui était des enfants d'Éléazar, et Ahimelech, qui étaient des enfants d'Ithamar, pour leur charge, dans le service qu'ils avaient à faire. Et quand on les distribua, on trouva un beaucoup plus grand nombre des enfants d'Éléazar pour être chef de famille, que des enfants d'Ithamar, y ayant eu des enfants d'Éléazar, 16 chefs, selon leur famille, et n'y en ayant eu que 8, des enfants d'Ithamar, selon leur famille. Et on fit leur département par sort, les entremêlant les uns parmi les autres, car les gouverneurs du sanctuaire, et les gouverneurs de la maison de Dieu, furent tirés tant des enfants d'Éléazar, que des enfants d'Ithamar. Et c'est Maja, fils de Nathanaël scribe, qui était de la tribu de Lévi, les mit par écrit en la présence du roi, des principaux du peuple, de Tsadok le sacrificateur, d'Ahimelech, fils d'Abiatar, et des chefs des pères des familles des sacrificateurs, et de celles des Lévites. Le chef d'une maison de père se tirait pour Éléazar, et celui qui était tiré après, se tirait pour Ithamar. Le premier sort donc échut à Jéojarib, le second à Jedaïa, le troisième à Harim, le quatrième à Sorim, le cinquième à Malkija, le sixième à Mijamin, le septième à Ko, le huitième à Abija, le neuvième à Jésua, le dixième à Sekania, l'onzième à Eliazib, le douzième à Jakim, le treizième à Upa, le quatorzième à Jézébab, le quinzième à Bilga, le seizième à Imé, le dix-septième à Ézir, le dix-huitième à Pitsé, le dix-neuvième à Pétaja, le vingtième à Ézéchiel, le vingt et unième à Jakim, et le vingt et deuxième à Gamul, le vingt et troisième à Delaja, le vingt et quatrième à Maasia. Tel fut leur dénombrement pour le service qu'ils avaient à faire, lorsqu'ils entraient dans la maison de l'Éternel, selon qu'il leur avait été ordonné par Aaron leur père, comme l'Éternel le Dieu d'Israël le lui avait commandé. Et quant aux enfants de Lévi qu'il y avait eu de reste des enfants de Amram, il y eut Subaël, et des enfants de Subaël Jedéja. De ceux de Réabia, des enfants, dis-je, de Réabia, Jizija était le premier. Des Jitcharit, Selomoth, des enfants de Selomoth, Jahat. Et des enfants de Jerija, Amaria le second, Jahaziel le troisième, Jekamam le quatrième. Des enfants d'Uziel, Mika, des enfants de Mika, Samir. Le frère de Mika, était Jizija, des enfants de Jizija, Zachari. Des enfants de Merari, Mali, et Musi. Des enfants de Jazija, son fils. Des enfants donc de Merari, de Jazija, son fils, et Soham, Zakur et Ibri. De Mali, Éléazar, qui n'eut point de fils. De qui, les enfants de qui, Jerahmeel. Et des enfants de Musi, Mali, Edé, et Jérimoth. Ce sont là les enfants des Lévites, selon les maisons de leurs pères. Et ils jetèrent pareillement les sorts selon le nombre de leurs frères les enfants d'Aaron, en la présence du roi David, de Tsadok, et d'Ahimelech, et des chefs des pères des familles des sacrificateurs et des Lévites, les chefs des pères de famille correspondant à leurs plus jeunes frères.